Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. On m'a soufflé à l'oreille que vous aviez besoin de vous détendre. Écoutez, cette émission est là pour vous, ça tombe bien. Vous êtes les bienvenus toutes et tous pour l'émission Dansez maintenant. Une heure de passion pour la musique, pour la chanson française et l'accordéon. À mes côtés pour cette émission, il y a bien sûr Arlette qui nous parlera chanson française, Christophe Pesset qui nous parlera accordéon, et c'est vrai, ils en parlent vraiment très très bien. Allez, on est parti pour danser maintenant. On commence avec l'accordéon et Pigalle. Une très jolie chanson, Alain Morisot, les Sweet People. Ça finit toujours trop tôt. Des jours de grand soleil, des nuits magiques, des siestes sans sommeil, un été changer le rêve en réalité. Dansez sur Sorgia FM. Bonjour à toutes et à tous, merci Hubert. Alors cette semaine je vais parler de quelqu'un que tu connais très bien. Tu vas d'ailleurs jouer avec lui d'ici très peu de temps, je crois que c'est dans l'automne. Il est né en 1971, hein, tout jeune, à Pontarlier, dans le Doubs. Et bien sûr, je veux parler de Manu Moguin. Alors Manu Moguin va nous jouer un passo-double. Ce passo-double, eh bien, c'est un mélange de deux titres que tu connais très bien, Coplas, Demi, Morena. On l'écoute tout de suite. Alors, il y a des familles pour qui la musique, c'est une évidence. Et Manu Moguin, eh bien, c'est le cas. Quand vous avez le grand-oncle qui joue de l'accordéon, l'arrière-grand-père également, le grand-père également, eh bien, je peux vous dire que pour lui, c'était une évidence. Il commence la musique en 1980, aussi à l'aise dans le musette que le jazz manouche. On va tout de suite l'écouter dans un morceau qui s'appelle « En croisière ». Manu Moguin, eh bien, je dirais, allez, vogue, c'est parti. Thank you. c'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Eh oui, vous l'avez reconnu, c'est Luis Mariano avec La Belle de Cadix. La Belle de Cadix a beaucoup d'amour. Juanito de Cristobal, tu es bien son rival, tu as donc les lunes. Et Pedro le Matador, tu les mets plus à court, donne-lui sa fortune. Malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas de l'amant. Chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, chica, chica, chica, aïe, aïe, aïe, ne veut pas de l'amant. La belle de Cadix est partie un beau jour. La belle de Cadix est partie sans retour. Elle a dansé une nuit dans le monde, le bruit toutes les séguinillas. Et par un beau clair matin, elle a pris le chemin qui mène à Santa Odilia. La belle de Cadix n'a jamais eu d'amant. La belle de Cadix est entrée au chica chica chica, ay ay ay, chica chica chica, ay ay ay, chica chica chica, ay ay ay. Sorgia FM, Sorgia. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Mais entrez, messieurs, dames, dans l'univers d'Arlette, un univers peuplé de chansons toutes plus belles les unes que les autres. Voici donc Arlette. Hello, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette, tu me fais plaisir, j'en suis certain, on va encore parler d'une très bonne chanteuse. Et oui, aujourd'hui encore, nous mettons à l'honneur une grande dame de la chanson française, Frida Boccara. Née en 1940 à Casablanca, bien que d'origine italienne, c'est une chanteuse française. En 1960, elle quitte Casablanca et s'installe à Paris. Elle s'inscrit à l'Auditorium des jeunes artistes, puis au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille, où elle enregistre « Quand la valse est là ». On l'écoute. Quand la valse vient aux musettes faire trois tours sous les néons, quand la valse vient à la fête pour se saouler d'un orphéon, et allez donc, sa valse rond, les têtes tournent comme au manège. L'amour nous apprend son solfège sur des trilles d'accordéon. Volez, volez, blanche dentelle, ce n'est plus le vieux rigodon. Fillette, accrochez vos jupons, garçons, agrippez vos bretelles, les flonflons grisent les ténèbres. Amants, faites des provisions de baisers pris sous les lampions, volez-en une ribambelle. Quand la valse vient aux musettes faire trois tours sous les néons, quand la valse vient à la fête pour se saouler d'un orphéon, et allez donc, sa valse rond, les têtes tournent comme au manège, et l'amour nous apprend son solfège sur des trilles d'accordéon. Près de toi, la vie est légère, nos deux cœurs sont au diapason pour chanter la tendre chanson du bonheur qu'on glane sur terre. Le mousseux danse dans nos verres, buvons à perdre la raison, buvons sans faire de raison, et valsons notre vie entière. Quand la valse vient aux musettes faire trois tours sous les néons. Quand la valse vient à la fête pour se saouler d'un orphéon. Et allez donc, sa valse rond, les têtes tournent comme au manège. L'amour nous apprend son solfège sur des trilles d'accordéon. Sur des trilles d'accordéon. Au cours de la même année, Frida Bocara nous fait rêver avec l'orgue des amoureux. Et ça aussi, c'est sympa. L'orgue des amoureux. Un vieil orgue de barbarie est venu jouer l'autre jour sous ma fenêtre dans la cour une ancienne chanson d'amour pour que rien, rien ne varie. Amour rimait avec toujours. En écoutant cette romance qui me rappelait le passé, je crus que j'en avais assez. Mais comme hélas tout recommence, tout hélas a recommencé, tout hélas a recommencé. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie et mon âme ravie. Est à toi pour la vie. C'est pourtant vrai lorsque j'y pense que je l'aimais éperdument et que jamais aucun amant ne m'a causé plus de tourments. Mais voilà bien ma récompense d'avoir pu croire en ses serments. Il a suffi d'une aventure plus que banale en vérité pour qu'un beau soir, sans hésiter, il obéit à sa nature. Je ne l'avais pas mérité, je ne l'avais pas mérité. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie et mon âme ravie. C'est à toi pour la vie. Que pouvons-nous contre nous-mêmes? Chacun de nous suit son chemin. C'est le sort de tous les humains, mais ceux qui vont main dans la main, en se disant tout bas je t'aime, devraient songer au lendemain. Sur une triste ritournelle dont l'écho s'est vite envolé, l'orgue à la fin s'en est allé. Et pardonnant à l'infidèle, j'ai chanté pour me consoler. J'ai chanté pour me consoler. Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie et mon âme. À toi pour la vie. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. En 1961, elle enregistre « Cherbourg avait raison » avec des paroles d'Eddy Marnay et de Jacques Larue sur une musique de Guy Magenta. Elle en fait un succès national. Cette chanson tient 24 semaines au marathon de la chanson française. « Cherbourg avait raison » Frida Bocara. vu arriver sur le porte-à-main serrant la mienne. À nos regards perdus, il a dû dire encore: en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux de plus, en voilà deux de plus qui brûleront leur cœur au feu de la Saint-Jean. Quand aura disparu cet insolent bonheur qui fait rire les gens, qui fait rire les gens qu'ils croisent dans la rue. Mais Cherbourg a ouvert pour nous fêter quand même sa grande ombrelle bleue. Et le vent de la mer gifflant les écoutilles a cueilli pour nous deux des parfums de vanille. Quand Cherbourg nous a vus arriver sur le porte-à-main serrant la mienne, à nos regards perdus, il a dû dire encore: en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux de plus. Contournant les maisons, le soleil a brillé sur toutes les façades. Un air d'accordéon venu du monde entier nous a donné l'aubade, nous a donné l'aubade, comme à des mariés, comme à des mariés, en portant leur amour au creux des voiles blanches, pour aller voyager au pays sans recours, des cent mille dimanches, des cent mille dimanches qui font l'éternité. Mais notre goélette, malgré ses airs de fête, n'a pas quitté le port. Notre amour est resté tout seul au bout du quai, de peur de s'embarquer. Et moi, j'en pleure encore. Cherbourg avait raison, Cherbourg avait raison de nous fêter quand même. Avec ses cargaisons de coups d'accordéon et de coups de sirène, il n'a pas tant d'amour qui en vaille la peine. Cherbourg avait raison, Cherbourg avait raison. En 1969, elle remporte pour la France le Grand Prix du concours Eurovision de la chanson qui se déroule à Madrid. Avec ce titre, Un jour, un enfant. Frida Bocara poursuit sa carrière avec d'innombrables succès, comme en 70, au pays de l'arbre blanc, en 71, pour vivre ensemble, et en 72, ballade pour un poète, Frida Bocara. Écoutez bien, messieurs, mesdames, écoutez bien, cette balade, on y parle d'un poète qui voudrait retrouver ses 20 ans. En ce temps-là, une fillette avait jeté dedans sa tête tout un feu qui disait qu'elle était la plus belle des belles. C'est la ballade du vieux poète qui par les rues se promène, l'amour au cœur et le cœur en tête. On est heureux quand on aime. Elle est partie, messieurs, mesdames. Elle a filé comme une étoile, mais les rêves d'un poète

Christophe Pesset sur Sorgia FM. Manu Moguin, le retour. Alors aujourd'hui, Manu Moguin, on peut dire que c'est un musicien au service de la musique. Musicien de gala, accordéoniste, professeur à la fois de piano, de saxophone, de clavier. C'est aussi eh bien, l'orchestre et aussi des méthodes. Il a fait de magnifiques méthodes. Si vous avez envie de vous lancer à l'accordéon, eh bien, n'hésitez pas. Les méthodes Manu Moguin, c'est vraiment très bien. On va tout de suite l'écouter dans une petite polka, polka canadienne. Ben oui, c'est déjà la fin de cette petite rubrique en compagnie de Manu Moguin. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Vous pourrez retrouver Manu Moguin en compagnie d'Hubert Ledan. Ça se passe le 17 octobre au Fin, dans le Val-de-Morteau. C'est dans le Doubs, accompagné de l'orchestre Frédéric Buche. Et puis également, si vous avez envie de rester tout le week-end, eh bien, le dimanche, ça poursuit avec plus de 10 accordéonistes nationaux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Et puis, on se quitte avec Le Paysan des Montagnes. C'est toujours Manu Moguin. Merci, à bientôt. C'est un paysan des montagnes qui chante toujours son pays. Il aimait beaucoup sa compagne, sa ferme au cœur des Aravis. Pour déjeuner, il prenait son café avant d'aller retrouver ses vaches. Puis il partait dans l'étable à côté tous les jours, travailler sans relâche. Travailler en chantant, c'est un plaisir constant. Rien ne vaut un travail que l'on aime et toujours volontaire pour un meilleur salaire. Danser près de là-haut, grâce au chant des oiseaux, il oublie le labeur, il ne compte pas ses heures, toute sa vie est faite de bonheur. chemin longeant la forêt de sapins. Le soleil se couche sur le vallon, il faut rentrer à la maison. L'écho répond à la jolie chanson qu'il chante sur le chemin du retour. Sur le sentier, il cueille un beau bouquet et s'en va retrouver son amour. Travailler en chantant, c'est un plaisir constant. Rien ne vaut un travail que l'on aime et toujours volontaire pour un meilleur salaire. Danser près de là-haut, grâce au chant des oiseaux. Il oublie le labeur, il ne compte pas ses heures. Toute sa vie est faite de bonheur. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Allez, on va danser encore un peu la danse en ligne, on aime beaucoup. Alors après le Sirtaki, je vous ai vu, hein, vous étiez parfait. On va continuer avec ce reggae qu'on aime tant. Alors, on va le danser ensemble aussi. Le reggae, il suffit de bien s'y prendre. Il faut faire tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ki-tou, et puis allez, allez, oh. Alors, c'est à vous. Tiki-ti-ti-tou, tiki-ti-ki-ti-tou. Allez, allez, oh. Si tu veux danser et bien t'amuser, allez, allez, oh.